see your face again, once again. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will continue with our message on character. Heute geht es weiter mit der Botschaft über die Natur. Which is, you know, under it we have different topics. And on Sunday we spoke about radical, to be radical for Jesus. Am Sonntag haben wir darüber gesprochen, radikal für Jesus zu sein. And today we will also look at it. Aujourd'hui, on va continuer avec le message de la nature de Jésus-Christ et cette même façon, on avait parlé sur la radicalité de Jésus-Christ. And today, we will continue with that of radical for Jesus. Heute geht es weiter mit dem Thema radikal für Jesus sein. Aujourd'hui, on va continuer avec le sujet d'être radical pour Jésus-Christ. What Christ called radical? Was Christus radikal nennt? Ce que Jésus-Christ appelle radical. And not what man or religion call radical. Nicht was der Mensch oder Religion radikal nennt. Et pas ce que l'homme ou la religion appelle radical. To see religion, they fight for their God. Wenn wir uns Religion that is anschauen, what they call radical. Sie kämpfen für ihren Gott. Und das nennen sie radikal. Dans la religion, les hommes combattent pour combat et puis après ce combat radical, mais c'est Dieu, c'est différent. A group of religion, you know, they pick up bombs and kill people. That is what they call radical. Sie jagen sich in die Luft und for their God. Radical. Comme par exemple les groupes religieux explosent, ou bien laissent les bombes exploser, ils appellent ça radical. Amen. Some send mafia to kill people. That is what they call radical. Oder sie schicken die Mafia auf Leute los. Hire killers to kill people. Oder irgendwelche Auftragsmörder, um Menschen zu töten. Il arrive aussi que les gens voient les autres pour tuer aussi les gens. But Christ wants us to know what he calls radical. Aber Christus will, dass wir wissen, was er radikal nennt. Mais Jésus veut qu'on comprenne ce qu'il appelle radical. Praise the Lord. Hallelujah. Part of our character is we are radical for Jesus. Ein Teil unserer Natur ist, dass wir radikal sind für Jesus. Une partie de nos caractères est que nous sommes radical pour Jésus. This means a lot of things. Das bedeutet einiges. Et ça veut dire beaucoup. It means we always choose Christ. Das heißt, wir entscheiden uns immer für Jesus. Ça veut dire qu'on choisit toujours Jésus. It means nothing can separate me from Christ. Das heißt, nichts kann mich trennen von Jesus. Et ça veut dire, rien peut me séparer de Jésus. It means anytime you see me, you see Christ. Wenn du mich siehst, siehst du Jesus. Chaque fois quand tu me vois, tu vois Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And many other things, amen, that we will be going through, one after the other, as this goes on. Amen. Die wir uns anschauen werden, im Laufe der Zeit. Et beaucoup de choses qu'on va comprendre aujourd'hui. The kingdom of Christ that we are born into is not a magic kingdom. Das Königreich, in das wir hineingeboren sind, ist kein Märchen. Magic. Le royaume de Jésus-Christ, c'est pas le magie. A kingdom is a country. Ein Königreich ist ein Land. Un royaume, c'est un pays. It is about a king, the kingdom and the royal family. Es ist über das Königreich, der König und die königliche Familie. Il s'agit d'un roi et de la famille royale. It is about a relationship affair. Es ist eine Beziehung. Et c'est une relation. It is about the family of Christ. Es geht um Christ's family. Von Christus. That's the kingdom of heaven. Das ist Königreich des Himmels. Et dans le royaume de Christ, il s'agit de la famille de Jésus-Christ. Amen. Amen. To live in Germany or any other country is not by magic. Dass wir in Deutschland leben, das passiert ist nicht Zauberei. Par exemple, comme vie ici en Allemagne, c'est pas la magie. You learn to know how the country functions. Du lernst, wie dieses Königreich the rules and regulations. Die Regeln. On apprend comment de vivre ici en Allemagne et comment les règles fonctionnent ici. Christ is not a magician. Christus ist kein Zauberer. And then you know that is what people think. Amen. He's not a magician. Er ist kein Zauberer. Jesus Christ ist kein Magician. He is not a witch doctor or the natural doctor. He's not. Er ist kein Satanist oder oder Arzt. Il n'est pas aussi un sorcier. Amen. Amen. And that is why it is not visit. You live there. Deswegen besuchen wir nicht das Königreich Gottes, sondern wir leben da. Pour cela, on visite pas le royaume du Christ, mais on vit dans le royaume du Christ. You don't live with the doctor in their practice, in their hospital or in their clinic. You visit them. You go there when you have problems. So also the witch doctor, people go there when they have problems. That is not Christ. Und beim Arzt beispielsweise lebst du nicht. Du gehst nur dahin, wenn du Probleme hast. Aber bei Christus ist das nicht so. Bei Christus lebst du. Amen. Par exemple, quand tu pars chez le docteur, tu fais une visite. Ou si tu pars chez le barabou, tu fais aussi une visite. Mais chez Christ, c'est différent. Especially this period we are. The period of the Holy Spirit. Surtout dans les périodes comme nous sommes maintenant. The period of the Father, it was almost like visit. It was a visit. La Zeit des Vaters war fast wie ein Besuch. Et dans les périodes du Père, c'était comme une visite. Because you know, then if you have problem, go to Moses. Wenn man Probleme hat, geht man zu Moses. Parce que through Moses, you go to God. Parce qu'avant, quand tu avais un problème, tu partais vers Moïse pour qu'il solve le problème pour toi. Amen. But this, you know, and then the Holy Spirit could not live in anybody's body. Damals konnte der Heilige Geist in keinem Körper leben. Et à l'époque, le Saint-Esprit ne pouvait pas vivre dans un être humain. He come and go. Il kommt und geht. Il venait et il partait. Amen. Amen. Even with Moses, he was always coming and going. Even with Moses. Selbst bei Moses ist immer gekommen und gegangen. Même dans la vie de Moïse, le Saint-Esprit visitait. He could not live in anybody's body. Er konnte niemandes Körper leben. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas vivre dans le corps d'un être humain. The Holy Spirit started living in our body since the coming of Christ and the resurrection. Er lebt in unserem Körper seit der Auferstehung von Christus. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, c'est là que le Saint-Esprit a commencé à vivre chez nous. Because of the blood that now purge our body, purge our conscience, purge our body is now clean for the Holy Spirit to live in. Weil das Blut unseren Körper gereinigt hat, damit der Heilige Geist dort leben kann. Oui, parce que le sang de Jésus-Christ nous a soigné pour que le Saint-Esprit puisse vivre. When man disobeyed God, everything was polluted. Weil als der Mensch Gott missachtet hat, wurde alles verunreinigt. Parce que quand l'homme a désobéi Dieu, c'était là où tout était pollué. You know the song we sang today, that we thank you, Jesus. We are saying thank you to Jesus. It should be every day, every minute song for us. Aber jede Sekunde. C'est ça la chanson que nous avons chantée aujourd'hui. On a dit merci Jésus, c'est pour tous les jours, pas seulement pour aujourd'hui. Because the Holy Spirit cannot live in us again. Weil der Heilige Geist jetzt wieder in uns leben kann. Parce qu'avec le mort de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut vivre en nous. Amen. Yeah. Our body is now what Christ wanted to be. Unser Körper ist jetzt so, wie Christus es haben möchte. Parce que notre corps est maintenant comme il fallait que ça soit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, you purge your conscience with the blood. And I hope you know how to do that. Wir reinigen unser Gewissen mit dem Blut. Wir hoffen, dass wir wissen, wie man das macht. Et j'espère que vous savez comment soigner vos conscience, la conscience, avec le sang de Jésus-Christ. If not, you cannot stand before Christ, before God. Kannst du nicht vor Gott. You'll be afraid. Du hast Angst. Sinon, tu ne pourrais pas aussi être devant Jésus-Christ, tu auras peur. You will see yourself as a sinner. Du wirst dich als Sünder sehen. Tu vas te voir comme un pécheur. You purge your conscience by reminding yourself the payment, what Jesus paid for. Du reinigst, that's how you pay, you clean your conscience. Dein Gewissen, indem du dich daran an die Bezahlung für Jesus Christus erinnerst. Tu soignes ton conscience. Ta conscience. Ta conscience avec le sang de Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Instead of running away from him, it will help you to go nearer to him. Anstatt von ihm wegzulaufen, wirst du dich ihm nähern. Au lieu de fuir de Jésus-Christ, tu vas commencer à t'approcher à Jésus-Christ. You say thank you for paying the price for somebody like me. For loving somebody like me. You remember the payment. You remember the blood. That's how you purge your conscience. And Satan, once you know that you Once you remember the blood, it's over with Satan. He knows what it is. An das Blut erinnerst, ist es vorbei mit dem Teufel. Et quand tu te rappelles, I want to judge you and condemn you. Et quand tu te rappelles du sang de Jésus Christ, là tu te soignes avec le sang de Jésus Christ, et c'est comme ça que le diable ne pourra plus te condamner. Praise the Lord. Amen. Jesus Christ is not a witch doctor or a natural doctor. Jesus Christus ist kein Heilpraktiker oder Arzt. Jesus Christ n'est pas un magicien ou un sorcier. That you go to, you know, until you have a problem, you don't go there. Zu dem du hingehst, wenn du sobald du Probleme hast. Et chez le sorcier, tu pars par exemple si tu as un problème. Everything is being done through relationship. Alles passiert durch Beziehung mit ihm. Jesus Christ funktioniert à travers une relation. Those problems will never come. If your relationship is so strong with him. Diese Probleme werden nicht kommen, wenn deine Beziehung stark ist mit ihm. Et tous les problèmes ne vont pas venir vers toi si tu as une relation avec Jesus Christ. And that's why it's so good when we start our relationship early enough with him. Deswegen ist es gut, unsere Beziehung mit Jesus früh genug zu beginnen. C'est ça, c'est important de commencer nos relations avec Jésus-Christ bien avant. If I remember, you know, my life, our life, how a lot of mistakes we have made in our life. I wish we knew him earlier enough, just like you know, amen. All those mistakes could have been avoided. Hätte ich Jesus früher Are you getting it? Diese Fehler nicht begangen, die ich in meinem Leben begangen habe. Si j'avais connu Jésus-Christ bien avant comme vous, comme ça, là, je pouvais, là, peut-être il y avait des autres erreurs que je ne pouvais pas faire. You know, so many of our sicknesses and diseases that is now coming into our life, they all started. You know, it's not today. They did not begin today. The root, the seed has been planted years ago. And we are now seeing the fruit. And the fruit is growing. If for example, we have known him years ago, even from our baby, like Jezreel, like, all those evil things, you know, the protection of the Lord is always so great. And the Holy Spirit is there to help us. Und viele Krankheiten oder Dinge, mit denen wir heute zu kämpfen haben, wären heute vielleicht nicht da, hätten wir unser Leben schon vorher dem Herrn übergeben. Et tous les problèmes ou des maladies que nous avons aujourd'hui ne seraient pas là, parce que si on connaissait Jésus-Christ bien avant. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And that is why, after healing, when he was here physically, he will tell them two things. Amen. Nach der Heilung hat Jesus ihnen mal zwei Sachen gesagt. Après la guérison, Jésus-Christ a dit toujours deux choses. You know, when he was here, you know, after healing or after revealing himself to them, he will always tell them, don't tell no man of the vision. Er sagt einmal, sag niemandem das, was gerade passiert ist. Quand Jésus-Christ s'est révélé chez les gens, il a dit toujours, ne raconte pas ce que tu as vu aujourd'hui. We quickly go to two places and then we go further. Amen. Amen. Go to Matthew 16. Matthew 16, verse 20. Matthew 16, verse 20. They charge his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Er ermutigte seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Alors Jésus donne cet ordre à ses disciples, ne dites à personne que je suis le Messie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then also in verse 9 of Matthew 17. Matthew 17. The same thing is there. Amen. Matthew 17, verse 9, c'est la même chose. He said, and as they came down from the mountain, you know, here he revealed himself to them. Amen. Ici dans ce verset, Jésus-Christ s'est révélé à ses disciples. Jesus charged them, saying, tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 9, pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. Ne dites à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme s'est réveillé de la mort. And in John 5, verse 14. Let us go to John 5, verse 14. Johannes 5, 14. We just look at the first part, which is tell no one about me. Jean 5, verset 14. Wir haben uns angeschaut, was er gesagt hat, dass wir nicht so sehen sollen. John 5, 14. Johannes 5, 14. Verse 14, it said, afterward, Jesus fended him in the temple and said unto him, this is somebody he healed. Amen. Das jemand, den geheilt hat. Ici, Jésus-Christ parle à la personne qui l'a guéri. He said, behold, thou art made whole, sin no more, lest a worse sin come unto thee. Praise the Lord. Amen. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, maintenant tu es guéri, mais comment ne commets plus de péché, sinon il t'arrivera quelque chose de plus grave. You know, when Jesus talk about sin, you have to know what he calls sin. Wenn Jesus über Sünde spricht, müssen wir wissen, was er Sünde nennt. Si Jésus Christ parle de péché, tu dois savoir ce qu'il appelle péché. Here, Jesus was not talking about fornication. Jesus hat hier nicht über Unzucht gesprochen. Ici, ne parlait pas de la fornication. He was... adultery. Oder Unzucht. He was not talking about fornication or adultery. Er hat nicht über Unzucht oder Ehebruch gesprochen. Il ne parlait pas de la... The religion, we call it fornication or adultery. Auf einer Religion Unzucht oder Ehebruch sagen würde dazu. Bien que la religion appelle péché l'adultère. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In John 8, let us go to John 8, verse 11. Johannes 8, 11. Jean 8, 11. Yes, it's talking here. But not here. Look at here. Somebody was caught in sin, amen. In adultery, amen. Erwischt. In John 8, here. Johannes 8. Ici dans ce verset, une personne a fait la fornication. You know, John 5, that he healed somebody that was blind, and he said, go and sin no more. Then now here is about fornication or what you can call adultery. Look at it. In verse 11, she said, no man, Lord. In verse 10, let's read from verse 10 because of understanding. When Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, woman, where are those that thine accusers? Have no man condemned thee? She said, no man, Lord. And Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Praise the Lord. Alléluia. Verset 10. Jésus se redresse et lui dit, où sont-ils? Personne n'est à condamner. La femme lui répond, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller et maintenant ne commets plus de péché. » You know, Jesus here was not after fornication. Jesus war hier nicht hinter der Unschuld. Adultery. Oder der, Ici, Jésus-Christ ne voyait pas la fornication. You know, I heard a pastor talked about it in Nigeria, and I was so happy that he was able to get the revelation of this very place. Ich habe gehört, wie ein Pastor über diese Stelle gesprochen hat, und ich habe mich gefreut, dass er die Offenbarung zu dieser Stelle verstanden hat. Ein Pasteur au Nigeria aussi parlé de cette révélation ici dans verset 10 qu'il s'agit pas de la fornication. Because I thought that I was the only one that the Lord revealed it to. Weil ich dachte, ich bin die einzige Person, die dem Herr das so offenbart hat. Parce qu'au début, je pensais que j'étais la seule personne qu'avait cette révélation. He is not talking about adultery. Hier geht es nicht um Unzucht. Il s'agit pas d'adultère. You know, when Jesus talked about sin, als Jesus über Sünde gesprochen hat, he knows that man cannot understand what sin really means. Er wusste, dass der Mensch nicht verstehen kann, was Sünde wirklich bedeutet. Quand Jésus-Christ parlait de péché, il savait que les gens comprenaient pas ce que le vrai péché. He did not even need to explain it to them because they cannot get it. There's no amount of explanation because man needs the power of the Holy Spirit to understand Jesus. Er konnte es ihnen nicht erklären, weil sie es nicht verstehen konnten, weil die Leute brauchen die Kraft von Jesus, um Jesus zu verstehen. Il n'a pas aussi expliqué la définition du péché. John 16. Let's go to John 16. Il n'a pas aussi expliqué la définition du péché parce qu'il savait que les disciples ne vont pas le comprendre. Maintenant, on va lire Jean 16, verset 9. He said, I've sinned because they believe not on me. The only sin is not, you know, Jesus, for him, he's not going to ask you about fornication and adultery. What did you do with me? Who am I to you? Amen. Jean 16, verset 9, le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Ici, ça montre que le vrai péché est que tu ne crois pas à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ va te demander si tu avais la foi en lui. Because if your focus is really Christ, the light is on, no darkness. Auf Christus ist. You never remember all those evil things. Ist da kein Dunkelheit? Amen. Darkness will hate you. Die Dunkelheit wird dich hassen. Parce que si tu te concentres à Jésus-Christ, oui, tu seras dans la lumière et le ténèbre ne peut pas te couvrir et tu te rappelles. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hey, James, the book of James. Jacobus. Mommy, wait. Jésus-Christ a dit qu'on peut résister le diable si on se soumet à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Remember the book of James. It says, submit to God. That is how you resist the devil. Übergebe dich Christus und so widerstehst du dem Teufel. Le livre de Jacques dit que tu dois te soumettre à Jésus-Christ et comme ça tu vas résister le diable. If you can remember Jesus, the devil will run away from you. Wenn du dich an Jesus erinnerst, wird der Teufel dir weglaufen. Et quand tu te rappelles de Jésus-Christ, là le diable va te fuir. If it is only thanking him for his goodness. Even when the devil is there attacking you, want you to go to that evil system. And you just remember Jesus and say, Father, thank you. Thank you for the deliverance. You know, the light is on, no darkness can penetrate. Selbst wenn der Teufel dich angreifen will, dankst du dem Herrn einfach für seine Erlösung, für sein Blut und so flieht der Teufel. Et quand le diable veut t'attaquer, tu te rappelles seulement Jésus-Christ, tu le remercies, c'est comme ça le diable va te fuir. Satan will be happy if you see sin as fornication, adultery, lying, stealing. If he's so happy, he's the winner. When you are pursuing those things, because he knows that you cannot pursue all. Because if you violate one, you violate all. Mm-hmm. Der Teufel freut sich, wenn du Sünde als Unzucht, Lügen und Stehlen siehst, weil du wirst das alles nicht, nicht, du wirst in allem schuldig sein, wenn du eins davon missachtest. Und du wirst alles nicht erfüllen können im Fleisch. Le diable est content quand tu penses que la fornication, mentir ou voler, c'est le péché parce que tu, si tu, par exemple tu pêches dans la fornication, là tu as déjà péché dans tout. Donc ça veut dire le vrai péché est que tu ne crois pas Jésus-Christ. He's so happy if you are fighting on, you know, you are fighting those things, amen. If you are after those things, because he know that you are, you don't value the payment of Christ. Freut sich, take your focus away from him. Her bist, weil du anscheinend die die Bezahlung für Jesus Christus nicht wertschätzt. Et le diable est aussi vraiment très content quand tu te concentres à ces choses-là parce que ça montre que tu n'apprécies pas. Le paiement de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. You know, if you read it further, it said in verse, let us just go to verse 12 and 13. Johannes 16, 12. He said, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Jean 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'avez pas la force de les attendre maintenant. Even if I try to explain to you, you cannot get there. So no need. Ich versuche das zu erklären, dass ihr das nicht verstehen. Deswegen ist es unnütz sogar, das zu erklären. Même si j'essaie de vous expliquer ces choses, vous n'arrivez pas à comprendre. But the time is coming that you are going to understand it. Aber eine Zeit kommt, werdet ihr es verstehen. In your time comes, you will understand. And that time, when because with the help of the Holy Spirit, you will be able to understand it. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes wird ihr in der Lage sein, es zu verstehen. Parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, vous serez capable à le comprendre. But this time, the whole of the Holy Ghost is inside me. Aber jetzt ist He's all in me. Heiligen Geist in mir. Parce que quand Jésus parlait, il disait que le Saint-Esprit était en lui. Praise the Lord. Le truc, c'est que le diable est content si on se concentre sur le péché qu'on peut commettre. Donc si tu mens, si tu te concentres là-dessus, parce que là, tu oublies l'accomplissement de Jésus-Christ à la croix. Et là, tu n'es plus concentré sur Jésus-Christ. Parce que si tu vois, par exemple, c'est pas seulement tu pêches seulement pas contre, enfin c'est pas seulement un péché, c'est tous les péchés que tu fais. Et si tu te concentres sur Jésus, tu seras dans la lumière et là t'auras même plus idée à pécher parce que tu es concentré sur lui. Praise the Lord. Amen. Yeah, it's about sin, eh? Yeah. You know, if you want to get away darkness, you don't fight darkness, you come with light. The darkness rot. Wenn du die Dunkelheit verscheuchen willst, machst du das nicht mit der Dunkelheit, sondern du machst das Licht an und so weicht die Dunkelheit. Si tu veux chasser l'obscurité, tu te bats pas pour l'obscurité, mais plutôt tu viens avec la lumière. You know, if you see religion today, it's all about don't sin, don't lie, don't steal, don't. You know, they know that all these things are bad, but how can they get rid of it? Wenn wir uns religiöse Lehren anschauen, wird immer darüber gesprochen, du sollst dies und jenes nicht tun. Aber die Leute wissen inzwischen, dass diese Sachen falsch sind. Die Frage ist, wie kommt man da raus? Dans la religion, par exemple, on dit toujours de ne pas mentir, de ne pas voler ou quoi que ce soit. Tout le monde sait que c'est mauvais. Mais comment faire pour y sortir? C'est ça la question. Jesus said, by getting rid of them is by believing me. Jesus sagt, man kommt da raus, indem ihr alles glaubt, indem ihr mich seht. Et Jésus-Christ nous dit que on y sort en le voyant, en voir. Et si on a la foi en lui, c'est comme ça qu'on sort de l'obscurité, on sort des péchés. Amen. Amen. No one can drive away sin. Denn niemand kann Sünde verscheuchen. Parce que personne ne peut chasser le péché. And no one can live without sin. Niemand kann ohne Sünde. What man can sin? Sans ce que l'homme appelle péché. Praise the Lord. We'll get there very soon. Amen. Amen. Jesus told us what he calls sin. Jesus sagt uns, was er Sünde nennt. Jésus nous dit ce qu'il appelle péché. Amen. Amen. In John 16, verse 9. And that is what we are to call sin. Und das sollten wir Sünde nennen. Et c'est ça aussi qu'on a appelé péché, ce que lui il appelle péché. You know, calling fornication sin. I know it's sin, but you know, if you are fighting it, if your focus is to get rid of it, the Holy Spirit is not even there to help you. Wenn dein Fokus darin liegt, es zu bekämpfen, dann ist der Heilige Geist nicht da, um dir dabei zu helfen. Si tu te concentres à chasser tes péchés, le Saint-Esprit ne peut pas être là pour te soutenir. Because the Holy Spirit is to reveal Christ. Weil der Heilige Geist muss Jesus Christus offenbaren. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il révèle Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you getting it, please? Here Jesus told us what sin is. Hier hat uns Jesus gesagt, was Sünde ist. Ici Jésus nous dit ce qui est le péché. He says sin is because they believe not on me. Verse 9. Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Le péché est qu'ils ne croient pas en moi. Amen. That is the only sin. Das ist die einzige Sünde. What was the first, in Genesis, what was the sin? In 1. Mose, it was not fornication, lying, stealing. Es war nicht die Unzucht. Are you getting it? Dans Genèse, quel était le péché? C'était pas de voler ou la fornication ou quelque chose dans le genre. C'était de ne pas croire en Jésus-Christ. Enfin, the same thing Jesus called sin here was the sin then. Adam did not believe God. Sünde nennt, ist das, was damals die Sünde in Garten Eden war, nämlich das. Adam nicht an Gott geglaubt hat. Ce que Jésus ici appelle le péché, c'est la même chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand Dieu a pas cru. Non, Adam a pas cru Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. He believes the devil and not God. Er hat dem Teufel geglaubt und nicht Gott. Il a cru au mot de Dieu, pardon. Amen. The same thing Jesus is calling sin today. Und das nennt Jesus immer noch Sünde heute. Et c'est ça que Jésus c'est singular, dit, not plural. Toujours péché. C'est singular, not plural. Und deswegen ist Sünde in der Einzahl und nicht in der Mehrzahl. Et c'est pour ça que le péché, c'est singulaire et pas pluriel. Even religion today, they are still arguing about this very place. Und, they never believe that the only sin is not believing Christ. They still argue. Religion diskutiert es they immer say noch. Death, killing. Dass das nicht Sünde ist, sondern wir schauen immer noch auf diese anderen Sachen als die wahrhaftige Sünde. Et c'est ça le problème aujourd'hui avec beaucoup d'églises, avec la religion aujourd'hui. Ils ne voient pas le seul péché, mais tous les autres péchés. Praise the Lord. Hallelujah. The book of James. Let's go there, please. Put something. Let us. Maybe we'll be coming to this John 16 again. But first of all, the book of James. Verse 10. That James chapter 2, verse 10. Jakobus 2, verse 10. Jacques. Are you there, please? Jacques 2, 10. Jacques 2, 10. He said, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Wer das ganze Gesetz hält, aber in einem fehlt, ist schuldig. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. If you are a liar, if you lied, if you are jealous, you are a killer. You are all sin, everything. He says you violate when you are guilty of all. Wenn du gelogen hast, dann hast du auch gestohlen, hast du auch getötet. Look at what he calls sin in verse 9. Donc si t'as menti, t'as en même temps, t'as aussi volé, t'as aussi tué. Parce que si tu commets un péché, tu commets tous les autres péchés. Look at verse 9. He said, but if you have respect to a person, you commit sin. I don't know if somebody is getting something. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Verset 9. Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. Our respect for persons should be based on Christ. Are you getting something? You know yesterday's message. When I said, talk about, if I love my daughter, if I love Mercy more than Jennifer or more than any of you, it's a sin. Are you getting it? Because I'm respecting one. I'm violating here. Wenn ich Jennifer beispielsweise weniger liebe als meine biologische Tochter, dann ist das nicht von Christus. Par exemple, si un pasteur elle aime sa fille plus qu'une autre fille dans l'église, c'est aussi comme si un péché. Parce que notre respect pour un et l'autre doit baser en Jésus-Christ et pas la chair. Pas. If I love her, if I value her, if I, you know, if she is more important to me than other, than any of you. Wenn sie mir wichtiger ist als der andere, dann ist das eine Sünde. Donc si je préfère une personne ou si le bien d'une personne est plus important pour moi, là je commence aussi un péché. I also used that of Nini yesterday. Ich habe auch das mit Daughter-in-law benutzt als Beispiel meiner Schwägerin. Hier aussi par exemple, j'ai pris l'exemple de ma belle-fille. If I love her because she's my daughter-in-law, it's a sin. Wenn ich sie liebe, weil sie respect of person. Weil sie meine Schwiegertochter ist, ist das auch eine Sünde. Weil ich da jemanden wieder respektiere wegen dem, was er ist oder was er hat. I don't know somebody is getting it. Si j'aime ma belle-fille juste parce que c'est ma belle-fille, là c'est un péché. My respect for her should be, she's a child of God. If she is not, but it will be to bring her to Christ. Mein Respekt vor ihr soll sein, weil sie ein Kind Gottes ist oder weil sie jemand ist, der, wenn sie nicht ein Kind Gottes ist, jemand ist, der Jesus Christus braucht. Und auch zu Christus kommen sollte und geführt werden sollte. Donc on doit, si on respecte une personne, on doit la respecter parce que c'est un enfant de Dieu. Et si c'est pas le cas, on la respecte parce que on a l'intention de la ramener vers Jésus-Christ. The Holy Spirit is only involved in that of Christ and not that of man. Wenn es um Amen. Christus geht, aber nicht wenn es darum geht, Menschen zu verherrlichen. Encore une fois, le Saint-Esprit impliqué quand il s'agit de Jésus-Christ. You know, if I see her as my daughter-in-law, I will always be seeing what she is doing to me. Aber wenn ich sie als meine Schwägerin sehe, werde ich immer auf das schauen, was sie tut oder nicht tut. What she's doing and what she's doing. Was sie tut oder was sie mir nicht antut. Comme ma belle-fille, là j'aurais, j'ai toujours voir ce qu'elle fait pour moi ou ce qu'elle fait de bien ou de mal. If I see her as a child of God, I will be seeing what Christ did for her and for me. Aber wenn ich jetzt eigentlich somebody sehe, schaue ich auf das, was Christus für mich und sie getan hat. Mais si je la considère comme une fille de Dieu, là je serai rappelé à l'accomplissement de Jésus-Christ sur la croix. Donc ce qu'il a fait pour elle, ce qu'il a fait pour moi. Praise the Lord. Amen. You know, respecting people because your husband is your wife, is your this, is your that, is your that of the flesh, he said, it's a sin. Fleischliche Titel haben except eine Sünde. And that's why we have to learn. Donc si on respecte a lot of things to learn. Notre époux, nos frères et sœurs, nos parents, juste parce que, juste à cause de nos liens familiaux, c'est un péché. On doit sûrement les respecter à cause de Jésus-Christ. You know, to believe this, what I believe, what I'm preaching right now, you need the power of the Holy Spirit. Amen. If not, you cannot even believe. Und das zu glauben, brauchst du aber die. My child is my child, my husband is my husband. Mais pour croire en ce qu'on vient de dire, il faut vraiment avoir le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. He said, through the power of the Holy Spirit, we will know and understand what he calls sin. Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir erkennen, was Sünde ist. À travers la puissance du Saint-Esprit, on va reconnaître ce qui est vraiment le péché. And that is what we are to know and call sin. Und das sollten wir Sünde nennen. Et c'est ça que nous devons appeler péché. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Adam did not fornicate. Adam hat keine Unzucht. He did not steal, did not kill. Er hat nicht gestohlen, er hat nicht getötet. Adam n'a pas tué, Adam n'a pas volé ou quoi que ce soit. You know what he did? No one will even call it sin today. Das, was er getan hat, würde heutzutage niemand so genannt. Ce que Adam a fait, personne va appeler ça péché aujourd'hui. You know, he did not believe God, and so what? You have the right not to believe. Er hat nicht an Gott geglaubt. Er hat auch dieses Recht, also what? Nicht zu glauben. You cannot force him. Man kann ihn ja nicht zwingen. Il a pas cru à la parole de Dieu. Praise the Lord. Il a quoi? Parce que les gens ont aujourd'hui. Praise the Lord. Maybe Papa will be coming here to preach too. Galatians 3. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Let us go there and see what you said. Galatians 3. Praise the Lord. Amen. Amen. Galatians 3. Galatians 3:10. Where's the Lord? Ich bin ausgerutscht. He said, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, curse is everyone that continue not in all things which are written in the book of the law to do them. You see something there. If you are under law, you are under curse. You are cursed. Si tu es sous la loi, tu es maudit. Can I read? Yeah, yes, yes. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we need the help of the Holy Spirit. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Amen. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Amen. He said, your sin is that you did not believe on me. Deine that Sünde is the ist, only dass sin. Du nicht an mich geglaubt hast. Ton péché est que tu n'as pas cru en moi. C'est ton seul péché. And you are cursed. Und deswegen bist du verflucht. Et c'est pour ça que tu es maudit. Amen. Amen. Let me help you to understand it. No one can live without sin. Niemand kann ohne Sünde leben hier auf Erden. Personne ne peut vivre sans péché sur cette terre. We just read James. Das haben wir in Jakobus gesehen. On a vu ça dans Jacques. He said, if you violate one, you violate all. Wer eins, you are guilty of wer in einem schuldig ist, ist in allem schuldig. Si tu, ouais, si tu voles un commandement, tu voles tous les commandements. He said, you know, the Bible says even from your mother's womb, you are guilty of sin. Yeah. Bibel sagt sogar, seit wenn du im Schoß deiner Mutter bist du schon bist du schon schuldig. La Bible dit, mais on était déjà coupable même dans le ventre de nos mères. That's what is what Jacob and Esau is all about. Amen. Und darum geht's auch bei der Geschichte von Jakob und Esau, die Zwillinge. C'est aussi le sujet de l'histoire de Jacob et Esaü. He said he hate one from the mother's womb. Before he was born, he hate one. The other one he love. He's talking to you about grace, law and grace. Dass er einen halt geliebt hat, einen hat er geliebt und einen hat er gehasst. Das heißt, da wird die Gnade und das Gesetz erklärt. Parce que l'un a déjà été aimé dans le ventre de sa mère et l'autre a été haï dans le ventre de sa mère. Mais là, il nous explique la différence entre la grâce et la loi. You know, it's like, how can you hurt somebody when you have not even sinned? Comment tu peux haïr quelqu'un qui n'a pas encore commis de péché? Because sin is inheritance. Weil Sünde eine vererbt ist. Parce qu'on a hérité le péché. Are you getting it? Yeah. It's not your fault that you sin, but it is your fault rejecting Christ. Es ist nicht deine Schuld, dass du sündigst, aber es ist deine Schuld, dass du Jesus Christus verweigerst. Parce que ce n'est pas ta faute si tu commets des péchés, mais c'est ta faute si tu l'ignores, si tu ignores Jésus Christ. That's why we don't ask you about stealing, lying. You know, all those ones, they are not your fault. But Christ, not believing Christ, that's what he's going to ask you. That's where you are guilty. Und deswegen wird er dich nicht fragen, ob du gestohlen, geklaut oder gelogen hast, weil das ist nicht deine Schuld, weil du in Sünde geboren worden bist. Aber es ist deine Schuld, ob du Jesus Christus akzeptiert hast oder verweigert hast. C'est pour ça qu'il va pas nous demander si on a, si on a suivi tous les commandements. Il va seulement nous demander comme si tu si t'as cru en lui. Parce que les commandements, ce n'est pas ta faute que t'as hérité ces péchés. That's why we have to be singing and saying thank you Jesus all the time. Deswegen sollen wir Jesus immer wieder danken. C'est pour ça qu'on a Dieu à chaque moment, Jésus Christ. Praise the Lord. Alleluia. From your mother's womb, you are already guilty of all sin. Vom Schoß deiner Mutter an bist du schon sündig, bist du schon schuldig in allen Sünden. King David. You know David. David said it. T'as déjà été coupable dans le ventre de ta mère. He said, from my mother's womb, you know, I was conceived. In sin was I conceived in my mother's womb. That's what David said. Wurde ich geboren? Donc on a été né dans le péché. You don't need to sin before you are guilty of sin. Du musst nicht sündigen, bevor du schuldig bist an Sünde. It's your inheritance. It's your property. Es ist dein Besitz. It stick with you. Donc tu dois pas until forcément péché pour être un pécheur, pour avoir commis un péché. Praise the Lord. Hallelujah. It is not what you do that make you a sinner. Nicht das, was du tust, macht dich zum Sünder. C'est pas ce que tu fais qui te fait un pécheur. Amen. Amen. Tu l'as hérité. You know, Romans 5 will help you to understand it if you go there and read it. In Romans 5 wird uns das auch noch mal erklärt. Dans Romans 5, la Bible nous l'explique aussi. So it's our righteousness and holiness. It's not what we do. It is our inheritance. Das ist nicht das, was wir tun, sondern unser Erbe. Righteousness. It's not what we do, it is also our inheritance. Unsere Heiligkeit und Gerechtigkeit. Oh, we should go there, Romans 5. Et notre sainteté, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on a aussi hérité. Mais ça on a hérité ça de l'esprit, et pas de la Believing Christ is your righteousness. That's believing Christ. An Christus zu glauben, ist unsere Gerechtigkeit. Donc notre justice est de croire en Jésus-Christ. Amen. That's how you live a righteous life. So leben wir ein gerechtes Leben. Et c'est comme ça qu'on est capable de vivre une vie juste. Abraham believed God. That's it was imputed unto him as righteousness. Abraham, it's righteousness, not doing feeding the poor, giving people's money. Abraham a cru en Dieu et c'était ça sa. C'est pour ça qu'il était juste. Praise the Lord. Pas dire de donner aux pauvres ou quoi que ce soit, mais c'est de croire en Jésus Christ. In John 6, 29. Amen. John 6, 29. He said, the work of God for you is to believe on him. Die Werke Gottes ist zu an ihn glaubt. John 6, 29. Johannes 6, 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe on him whom he has sent. Amen. Amen. That's all. Jesus antwortet, sprach, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui a qui l'a envoyé, pardon, à celui qui l'a envoyé. The work God wants us to walk is to believe Christ. Das Werk, das wir tun sollen, ist an Christus zu glauben. Donc ce que Dieu veut nous, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est ça le travail qu'on doit faire. You know, believe like the woman with issue of blood. So glauben wie die Is somebody getting something? Amen. Believe like the woman with issue of blood. Glauben wie die Frau mit dem Blut. Donc on va comme la femme qui avait des problèmes de sang de la Bible. She heard the word and she believed. Sie hat das Wort gehört und hat geglaubt. Elle a entendu la parole et elle a cru. Is somebody getting something? Amen. Amen. That's the work he wants you to do. That's how you have victory in everything. So haben wir Erfolg in allem. Et c'est comme ça qu'on a victoire en tout. Praise the Lord. Hallelujah. And it became, you know, it was now her faith. And nothing could separate her from her faith. Es war dann ihr Glaube und nichts konnte sie trennen von ihrem Glauben. Et ça, c'était sa foi. Et rien n'a pu la séparer de sa foi. No people are too many. No, nothing is working. No doctor have tried here, but let me give up. Nothing. Es ging ihr nicht mehr darum, dass so viele Leute da waren oder nicht, oder dass Ärzte schon ihr Bestes gegeben haben, sondern sie hat es einfach durchgezogen. La foule des gens qui étaient là, n'a pas pu. 1 Timothy 6. Mais le rapport qu'elle avait eu des docteurs n'a pas pu secouer sa foi. Amen. 1 Timothy 6. 1 Timothy 6. Verse 12. 1 Timothée. 1 Timothy 6, verse 12. He said, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Eternal life is to know Christ. Das ewige Leben ist Jesus Christus. Is somebody getting it? Amen. Let that be your focus. Amen. Pursue it. Amen. To know your Father. To know who you are. Vater zu kennen. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus Christ. Donc on doit être focalisé là-dessus. He said, where unto thou art also called. Amen. And have professed a good profession before many witnesses. Fight the good fight of faith. Amen. That's the only fight remaining for God's children. Amen. To believe Jesus. Combat le combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. That's how you rest. If you believe him, you will rest. Not being fearful. Not being hasty. Somebody getting something. On n'aura pas peur. You believe him. Du wirst nicht neide sein. Tu seras pas pressé. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly talk about rest. Go to Hebrews 3 and 4. J'ai un peu parlé Hebrews 3 and 4. Hebrews 3. Amen. Amen. Faith and rest, they go together. Glaube und Ruhe gehören zusammen. La foi et le repos. Hebrews chapter 3 and chapter 4. Those two chapters, we help you to understand how to rest. Ces deux versets vous vont expliquer comment avoir le repos en Jésus-Christ. Wird uns helfen, wie man sich ausruht. We are born into the kingdom of rest. Wir sind in das Königreich der Ruhe eingeboren. On est né dans un royaume de repos. If you are really there, you will rest. Wenn du wirklich in dem Königreich bist, wirst du dich ausruhen. Donc, si tu es vraiment dans le royaume, tu es dans le repos. Praise the Lord. Hallelujah. We can only go through little here because of time. let me see where to go to. okay. Let me read from, first of all, chapter 3, from verse 7. Please read it out for yourself. Amen. He said, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. When your father tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Mm. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Is somebody getting it? Take heed, verse 12, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Is somebody getting something here? Amen. Amen. But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation, verse 16. For some, when they had heard, did provoke, howbeit, not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Verse 18. To whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not? I don't know if you are getting something here. To them that believe not, no rest. If you believe, you will rest. Amen. Verse 19. So we see that they could not enter in because of unbelief. Then chapter 4. We'll read it a little bit to a particular place. Let us read from verse 1. It said, let us therefore fear. The only fear that you want us to fear. Hebräer 4, die einzige Furcht, die wir haben sollen. La seule peur qu'on doit avoir. Amen. Amen. The only fear. Die einzige Furcht. He said, let us therefore fear, lest a promise being left off of entering into his rest. The fear you are to fear. Die Furcht, die wir haben. Amen. Ce qu'on doit craindre. Any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that woman with issue of blood, she heard it and she believed it. Yeah. She missed it with faith. Sie hat es gehört und hat es geglaubt. Sie hat das, was sie gehört hat, mit Glauben vermischt. Amen. Ja, la femme qui s'est née dans la Bible, elle a entendu et elle a cru. A lot hear it, but they never mix it with faith. Aber sie vermischen es nicht mit dem Glauben. C'est ça le problème souvent aujourd'hui, que les gens, ils entendent, mais ils n'arrivent pas à mélanger ça avec leur foi, donc ils ne croient pas. It might look impossible, but you believe it. Because with him, all things are possible. Amen. Sie sehen unglaublich aus, aber du glaubst es dennoch, weil mit ihm alles möglich ist. Is somebody getting something? Ça peut paraître impossible, mais tu crois parce qu'avec lui, tout est possible. Look at verse 3. He said, for we which have believed do enter into rest. If you believe, that's how you rest. You will not be in fear, you will not be worried, you will not be panicked. No news can take you out. Amen. No beast coming can take you out. Amen. The bigger the victory. Und du wirst dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Praise the Lord. Yeah. Not, okay. You want to say it? Okay. No. Jesus said, he said, if somebody is forgiven, let me say 1,000, and the other one is forgiven, just one. He said, which of them will appreciate me? Jesus sagt, wer ist dankbarer, wenn ihm 1,000 Euro Schulden erlassen werden oder 100 Euro Schulden? We are afraid of this. We are afraid of everything. Mm. Afraid, you know, if Jesus come right now, who cares? Aber wir haben Angst vor all diesen Rechnungen und Sachen. Wenn aber Jesus kommt, dann ist das alles egal. Also erstmal zurück. Donc Jésus nous dit, si quelqu'un nous doit 1000 euros et l'autre seulement 1 euro et tous les deux sont pardonnés, qui sera plus, comment on dit, plus reconnaissant, qui sera plus reconnaissant. Praise the Lord. Alléluia. He said the gospel in verse 2. He said the gospel was preached to us today. It was also preached to them. That they believe not. He said, take example so that you will not be like them. Hier steht, be dass die Heilsbotschaft ihnen verkündet wurde, aber sie es nicht geglaubt haben. Genauso wie uns heute das Evangelium verkündet wird. Und wir die Entscheidung haben, daran zu glauben oder nicht. Car nous aussi, nous avons entendu une bonne nouvelle, l'évangile, tous comme eux. Et là, on doit faire une différence. Si on l'entend, on doit aussi le croire, pas comme eux. Remember when they are healed, Jesus said, your faith has made you whole. Erinnert euch daran, wenn sie geheilt werden. You believe, that's why you are healed. Sagt Jesus, dein Glaube hat dich geheilt, weil du geglaubt hast, bist du geheilt worden. Quand Jésus guérissait les gens, il disait que leur foi les a guéris. There's a place in the Bible, he said, they refused to believe him because of that he could do no mighty work there. Jesus could not do anything there. Because they refused to believe him. Es gab Momente, wo Jesus nichts tun konnte, weil sie nicht geglaubt haben. Sie haben sich geweigert, ihm zu glauben. Deswegen konnte er nicht wirken. Il y avait des moments où Jésus n'était pas capable de guérir les gens. Les gens n'ont pas cru. Et sans la foi, Jésus ne pouvait pas. Because part of another message for us. Amen. Praise the Lord. Amen. Am Sonntag schauen wir uns das an, weil es auch Teil einer anderen Predigt ist. Amen. Wir werden parler parce que ça fait partie d'un autre message que in verse 3. He said, for we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Verse 4. For he speak in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his work. Amen. He did not rest because he was tired. He rest because he finished everything. Weil müde war, sondern hat sich ausgeruht, weil es vollbracht war. Dieu s'est reposé au septième jour, pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait tout accompli, parce qu'il avait tout fini. We should learn to rest. Wir sollen lernen. How by believing him and not resting because we are tired of work. Wir sollen lernen, uns auszuruhen, nicht weil wir müde sind und erschöpft sind, sondern weil das Werk vollbracht ist. Donc on doit aussi apprendre à se reposer, pas parce qu'on est fatigué du travail ou quoi que ce soit, mais parce qu'on a Jésus Christ. You know, their rest is because they are tired. Weil die Menschen ruhen sich aus, weil sie müde sind. Les êtres humains se reposent parce qu'ils sont fatigués. Our rest is because we believe Christ. Unsere Ruhe ist, weil wir an Jesus glauben. Are you getting it? Mais nous, on a notre repos parce qu'on croit en Jésus Christ. Praise the Lord. Amen. Verse 5. And in this place, again, if they shall enter into my rest. Say therefore, it remained that some must enter therein, and they to whom it was first preached enter not in because of unbelief. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let me leave there. Amen. Please read it at home. Amen. Read it at home. And if you have questions, then we'll go through. Because, let me see the time. Oh, it's already almost 9. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. I said, when are we going? We're going to have a retreat and just stay together, maybe a whole month. Mm-hmm. Not going out, just a message. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Yes, sir. I have a question. Should I ask it now or later? The time has even gone. I'm coming. Okay. There's a place I wanted us to get, but we cannot get it. No, it's not. It's still long. Yes, you can ask the question. So I have a question concerning, because in the Bible study we're talking about judging things, mm-hmm. and you have also preached that you cannot separate the decision of someone from them. Mm-hmm. Mm-hmm. And the Bible says also how you said it, that a human being is born with sin and we inherited sin. Mm-hmm. And then you also explained that if, for example, you focus on Christ, mm-hmm. the light is on, mm-hmm. and there's no darkness. Mm-hmm. But my question is how, because I want to understand it properly, mm-hmm. for example, if someone takes the decision, let's say, to kill somebody, okay, no, that's too extreme. It's the same thing. Mm-hmm. For example, to kill somebody, mm-hmm. and it's a child of God, let's say, mm-hmm. he took the decision to do it, mm-hmm. but where's the part of the inheritance? Do you know what I mean? This part of inheritance is that he did not believe Christ. If he believed Christ, he will not take that decision. Okay. Our inheritance is that we believe Christ. Mm-hmm. Believe in Christ. That is our righteousness. Mm-hmm. That is our inheritance now. Mm-hmm. Our inheritance and sin is that sin is going to come into your heart. Mm-hmm. Things are going to come that will make you sin, that will want you to sin. It is part of the system, mm-hmm. of this world, the fall of man. But there is another side of it that is our inheritance, which is righteousness. If, for example, there are two inheritance we are talking about now, that of sin and then that of righteousness. If that of sin come, that of righteousness should be able to take it out. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. And if your focus is on that of righteousness, that of sin cannot even come in. Mm-hmm. You get it? Yeah, okay. Also wir haben immer wieder die Entscheidung, ob wir uns unserer alten Natur hingeben, mhm. unserem wieder den alten Menschen, der eigentlich tot und begraben ist, wieder hingeben und seine Werke wieder tun, nämlich die Sünde, oder ob wir auf unsere neue Identität, auf unser neues Erbe blicken, auf unsere neue Identität schauen, in der wir halt die Gerechtigkeit von Jesus Christus geerbt haben. Und wenn wir auf diese Gerechtigkeit schauen, die wir halt durch sein Blut haben, durch seine Vergebung, dann wird auch die alte Identität und das der alte Mensch mit dem alten Erbe, mit dem Erbe der Sünde, uns nicht einholen und uns dazu bringen, seine Werke zu tun. Mm-hmm. Try your best. And live the rest. Elle avait dit que... Maman avait dit que... Non, tu peux expliquer ma question d'abord avant d'expliquer ouais, okay. Donc la question était que on a parlé de jugement hier, hein, donc, et on avait dit qu'il n'y a pas moyen de séparer le péché de la personne qui commet le péché de la personne. À la personne elle-même. À la personne elle-même. Mm-hmm. Ok, on Alors, dans ma question, c'est que maman elle avait prêché hier que si on prend une décision, par exemple, si on fait un péché, c'est ça fait partie de nos personnalités. De notre nature. Nature, oui. Ta question était, s'il te plaît, oui. Allez, je crois. Sa question était si la personne elle est déjà née de nouveau, elle était un enfant de Dieu, mm-hmm. et que la personne maintenant décide de tuer quelqu'un. Où est-ce que, par exemple, où est-ce qu'il vient le parti de l'héritage de Dieu que Dieu t'a donné, que, parce qu'il a dit que quand on est devenu son enfant, on a hérité tous ses biens. Donc, où est-ce qu'on va avoir la partie de Dieu? Parce que c'est un enfant de Dieu et la personne, elle a décidé de oui. commettre un péché. Et c'est à travers là. Et là, on a expliqué que... Tu ne vas jamais prendre cette décision si tu as toujours tes yeux vers Jésus-Christ. Mm-hmm. Ah. Donc, ça marche aussi avec le message qu'on a entendu, parce que on tient Jésus-Christ, on va toujours croire en Jésus-Christ, donc on sera jamais dans le péché, parce que le seul péché est de ne pas croire en Jésus-Christ. Donc si on est dans Jésus-Christ, on n'aura pas le temps, on n'aura même pas les yeux pour penser à voler, à mentir ou quoi que ce soit, parce qu'on a hérité cette nature. Donc la personne qui est née de nouveau, qui veut tuer quelqu'un par exemple, ça signifie que la personne a décidé bien avant de ne pas croire en Jésus-Christ, de croire au diable, à sa nature, l'ancienne nature. C'est parce qu'à travers ça, elle n'aura plus son focus vers Jésus-Christ, elle va commencer à se concentrer au péché. Et c'est là que c'est là son problème, c'est ça son péché, qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Donc on revient à la même. Praise the Lord. Hallelujah. Even with this, we can even close. Amen. Amen. Amen. I'll quickly go to the little place, then we close. Amen. Amen. We just read 1 Timothy 6:12. Yes, sir. The only fight Christ wants us to fight is the fight of faith. Wir haben gelesen an 1. Timotheus, dass der einzige Kampf, den wir noch führen sollen, ist der Kampf des Glaubens. On a lu dans Timothée que le seul combat qu'on doit combattre, c'est le combat de la foi. Fight to believe Christ. Der Kampf an Jesus Christus zu glauben. Amen. Pour croire en Jésus Christ. Yeah. You know, we always look at it that okay, to believe Christ, we think it's so easy. Es ist einfach an Christus zu glauben. On croit toujours que c'est facile de croire en Jésus Christ. If you are having pain and you pray. After prayer, you are still having pain. Then you know how difficult it is to believe Christ. Par exemple, si tu as mal et tu pries, mais après la prière, tu as toujours mal. Et là, ça, c'est un exemple pour voir comment c'est difficile de temps en temps de croire en Jésus-Christ. And that is why we need the Holy Spirit, the help of the Holy Spirit, to help us to believe. Deswegen brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes, um zu glauben. C'est pour ça que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir croire. Amen. Amen. Believe the finished work of Christ. That is the good fight of faith. Amen. Glaub an das fertige Werk von Jesus Christus. Das ist der gute Kampf des Glaubens. Le bon combat de la foi est de croire à l'accomplissement de Jésus Christ. Believe he finished all. Glaube, dass er alles vollbracht Amen. Hat. Crois qu'il a tout accompli. Believe you are a prosperous man. Amen. Already. I'm Amen. Not going. Amen. Ich glaube, dass du schon ein wohlhabender Mensch bist und nicht ein wohlhabender Mensch sein wirst. Amen. You believe that you are a prosperous man. You know, Joseph, you know, was a slave, but the Bible called him a prosperous man. Uh-huh. You believe it. Amen. On doit croire. That's the good fight of faith. It's not believing I'm going to have it. He believes I already have it. Amen. Crois que tu es un homme riche. Même si ton compte en banque ne le dit pas. Though the pain is still there, you believe you are already healed. Obwohl der Schmerz noch da ist, glaubst du, dass du geheilt bist? Même si les douleurs sont encore là, tu dois croire que tu es déjà guéri. Amen. And that's why faith is a magnet. Faith. Der Glaube ist ein Magnet. It's like a magnet. Der Glaube ist ein Magnet. Parce que la foi est comme un aimant. Your belief is what it draws out your victory. Dein Glaube zieht diesen Erfolg sozusagen raus. Donc ta foi attire, enfin, te donne accès à ta guérison. You believe like that family of the sick of the palsy. Are you getting it? That did not, you know, the roof. They did not allow anything to distract their attention. Nothing could stop them. Du glaubst so wie die Freunde des gelähmten Mannes, der durch das Dach hineingelassen werden musste, damit Jesus ihn sehen und heilen konnte. Donc, on doit avoir la foi comme les amis de l'homme qui était paralysé, qu'on a fait rentrer par le toit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. These people really believe. Amen. Amen. Amen. There were a lot of things to stop them, but they refused. Denn viele Dinge wollten sie stoppen, aber sie haben sich geweigert. Il y avait beaucoup d'obstacles, mais ils ont toujours cru. Ils ont toujours cru. Nothing could stop them. No, no, no, no. This roof is too expensive to build. who stopped it. Amen. Are you getting yes. it? Amen. Because we are going to fix it again. Irgendwelche Kosten haben Imagine sie nicht davor abgehalten, dieses Dach abzureißen und da durchzugehen. Rien a pu les empêcher à venir vers Jésus-Christ. You know, the radicals, you know, there is no, you know, people say, are these people stupid? They are foolish, they are übertrieben. You know, nothing übertrieben could stop it. Und Leute würden sagen, diese Leute sind dumm oder sind verrückt oder sind übertrieben. Und haben sie nicht mehr alle, aber das war ihnen egal, was die Leute über sie denken. Sie haben es dennoch durchgezogen, weil sie geglaubt haben. Sûrement les gens ont dit que ces gens, c'est des fous. Comment ils peuvent le faire, mais eux, ils étaient instoppables. Rien n'a pu les stopper. Ils voulaient absolument accéder à Jésus-Christ. Ils ont même cassé le toit. Même vous qui m'avez. You know, the more they call them names, the more they push further. Amen. Umso mehr man sie verflucht hat, umso mehr sind sie weitergegangen. Plus on les a maudits, plus ils ont continué à avancer. They use force. In Christ's world, it is by force. Sie haben es mit Zwang durchgezogen. We still have a lot to go through here. Amen. Amen. I'll stop here. Amen. Amen. But let us close with Matthew 11. Matthew 11. Praise the Lord. Amen. Matthew 11. You know, people Matthew want to see it as, this, you know, Jesus said it must be by force. Jesus sagt, es muss durch Zwang passieren. Amen. Amen. We don't want to hear that word force. I want this word Zwang. But Jesus is saying it's by force. By force. Jesus Amen. Sagt, es muss durch Zwang passieren. Look at verse 12. Matthew 11. 11 verse 12. He said, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. And the violent take it by force. By force. Amen. And not by love. Amen. We close there. Amen. Depuis l'époque où Jean Baptiste we continue from there. Apparu à 7 heures, le royaume de Dieu se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc il y a des trucs qu'on doit forcer, même avec violence. Praise the Lord. Am Sonntag geht es weiter. Amen.